Proverbe chapitre 8. La sapience ne crie-t-elle pas, et l'intelligence ne fait-elle pas ouïr sa voix? Elle s'est présentée sur le sommet des lieux élevés, sur le chemin, au carrefour. Elle crie à la place des portes, à l'entrée de la ville, à l'avenue des portes. Ô vous, hommes de qualité, je vous appelle, et ma voix s'adresse aussi aux gens du commun. Vous, simples, entendez ce que c'est que du discernement, et vous, fous, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car je dirai des choses importantes, et l'ouverture de mes lèvres sera de choses droites. Parce que mon palais parlera de la vérité, et que mes lèvres ont en abomination la méchanceté. Tous les discours de ma bouche sont avec justice, il n'y a rien en eux de contraint, ni de mauvais. Ils sont tout aisés à trouver à l'homme intelligent, et droit à ceux qui ont trouvé la science. Recevez mon instruction, et non pas de l'argent, et la science, plutôt que du fin or choisi. Car la sagesse est meilleure que les perles, et tout ce qu'on saurait souhaiter, ne la vaut pas. Moi, la sapience, je demeure avec la discrétion, et je trouve la science de prudence. La crainte de l'Éternel c'est de haïr le mal. J'ai en haine l'orgueil et l'arrogance, la voix de méchanceté et la bouche hypocrite. À moi appartient le conseil et l'adresse, je suis la prudence, à moi appartient la force. Par moi règnent les rois, et par moi les princes décernent la justice. Par moi dominent les seigneurs, et les princes, et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent soigneusement, me trouveront. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens permanents et la justice. Mon fruit est meilleur que le fin or, même que l'or raffiné, et mon revenu est meilleur que l'argent choisi. Je fais marcher par le chemin de la justice, et par le milieu des sentiers de la droiture. Afin que je fasse hériter des biens permanents à ceux qui m'aiment, et que je remplisse leurs trésors. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de sa voix, même avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été déclarée princesse dès le siècle, dès le commencement, dès l'ancienneté de la terre. J'ai été engendrée lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine chargée d'eau. J'ai été engendrée avant que les montagnes fussent posées, et avant les coteaux. Lorsqu'il n'avait point encore fait la terre, ni les campagnes, ni le plus beau des terres du monde habitable. Quand il disposait les cieux, quand il traçait le cercle au-dessus des abîmes. Quand il affermissait les nuées d'en haut, quand il serrait ferme les fontaines des abîmes. Quand il mettait son ordonnance touchant la mer, afin que les eaux ne passassent point ses bords, quand il compassait les fondements de la terre. J'étais alors par-devers lui son nourrisson, j'étais ses délices de tous les jours, et toujours j'étais en joie en sa présence. Je me réjouissais en la partie habitable de sa terre, et mes plaisirs étaient avec les enfants des hommes. Maintenant donc, enfants, écoutez-moi, car bienheureux seront ceux qui garderont mes voies. Écoutez l'instruction, et soyez sages, et ne la rejetez point. Oh, que bienheureux est l'homme qui m'écoute, ne bougeant de mes portes tous les jours, et gardant les poteaux de mes huis. Car celui qui me trouve, trouve la vie, et attire la faveur de l'Éternel. Mais celui qui m'offense, fêtera son âme, tous ceux qui me haïssent, aiment la mort.